les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Oui, exactement, 22h. Michel Bacou au microphone, Jean-Philippe Boisbriand. Et là, il fait tout le reste, dont le choix musical. Et aujourd'hui, c'est un peu indie rock. Un peu indie rock, lo-fi. Avec d'abord Daniel Johnston, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est décédé la semaine passée. Et qui illustre, si vous allez sur notre blog échangeur.blogspot.com, vous verrez un de ses dessins avec une phrase qui dit « Hi, how are you ?» I am the ghost of Daniel Johnston. Many years ago, I lived in Austin, Texas, and I worked at McDonald's. It is an honor and a privilege to speak to you today. To tell you about my condition and the other world. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. Yeah, one, two, three. mind. I lost my head for a while, was off my rock, out of line, out of whack. You see, I had this tiny crack in my head that slowly split open, and my brain snoozed out, lying on the sidewalk, and I didn't even know it. I had lost my mind. Well, I was sitting in the basement when I first realized it was gone. Got in my car, rushed right over to the lost and found. I said, pardon me, but I seem to have lost my mind. She said, well, can you identify it, please? I said, why, sure, it's a cute little bugger. About yay big, a little warp from the rain. She said, well, must be your brain. I said, thank you, ma'am. I'm always losing that dang thing. I had lost my mind. Thank you. to Abilene. The spirit world rises.

love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. Oui, ben ça commençait comme ça avec Daniel Johnston, qui est né à Sacramento au Texas et qui est mort à Waller au Texas en 2019. Auteur-compositeur-interprète. Voilà, oui, auteur-compositeur-interprète qui a été influent dans le lo-fi. On peut dire ça comme ça. Et vraiment, bon, il a souffert toute sa vie probablement de maniaco-dépression. Et ça a teinté énormément tout ce qu'il faisait. Et lorsqu'il chante, il parle de sa vie. Il parle toujours de sa vie. Il avait un bon talent de pianiste. Mais il s'est dit à un moment donné qu'il allait jouer de la guitare aussi, même s'il ne savait pas jouer du tout. C'était pas grave, il pouvait se produire comme ça avec ferveur. En jouant de la guitare, et les gens étaient estomaqués parfois parce qu'il faisait. Il a été ami avec plein de monde, puis son plus grand fan pratiquement c'était Kurt Cobain, qui portait toujours un t-shirt lequel il était écrit Hi, how are you. Il a été soutenu par Jad Fair des Art Japanese, par les gens de Sonic Youth. Il a joué avec les Butthole Surfers. Il a vraiment fait un paquet de trucs, en fait plein de cassettes. Au début, il était incapable de reproduire ses cassettes. Alors, il enregistrait une nouvelle cassette en rejouant tout simplement les pièces. Puis, il mettait un dessin de son cru. Puis, il envoyait ça à la personne qui avait commandé. Évidemment, on peut pas en envoyer beaucoup comme ça. C'est difficile de devenir riche si on n'a pas énormément de temps. Alors, à un moment donné, il a réussi à reproduire ses cassettes par un autre procédé que de la rejouer. Il était considéré comme un genre de musicien à fleur de peau, un peu genre Syd Barrett pour certains trucs, ou Rocky Erickson. Oui, possiblement, peut-être. Puis il y avait des thèmes récurrents dans ses affaires, dont l'amour, le diable, la mort, King Kong, les Beatles, Captain America et Casper, le gentil fantôme, et les pompes funèbres aussi, parce que son premier amour, Laurie, était parti avec une personne travaillant dans les pompes funèbres. Alors ça a inspiré une partie de son œuvre. Alors ça commençait comme ça avec Daniel Johnston. Burn it all up. run into the sea. Don't make a sound. Twitching silently. Down the stairs your father walks. I will lead the way. His hair is falling gray. No matter what they say, I can make you stay. Fire. Then our love burned.

kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me, do you say the same words to someone else when I'm not there? Torments my heart, suspicion keeps us apart, suspicion, why torture me? Every time you call me, do you tell me we should meet tomorrow? I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you were out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? If you love me, please show me some proof of your good intentions. I'd like it on my desk in triplicate on Monday morning, the very latest. I know this might seem silly, but I like to be absolutely honest. If you have been deceiving me, well, it's a neat bit of jiggery-pokery. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't I romance? Bah, vous êtes toujours aux échangeurs d'air jusqu'à 22h. Oui, d'abord, qu'est-ce qu'on a eu? The Ballad of Helen Keller and Rip Van Winkle. C'était The Moldy Peaches, sur l'album The Moldy Peaches de 2001. The Moldy Peaches, au départ, c'est beaucoup Adam Green et Kimia Dawson, avec Steve Mertens et Strictly Beats, et d'autres membres. Kimia Dawson a fait certains trucs après, aussi dans plusieurs des chansons du film Juno. Il paraît que les Moldy Peaches s'habillaient bien sur scène. Ils avaient vraiment de très très jolis costumes. Et c'est très drôle parce que ils ont fini par avoir des tunes qui se sont retrouvées comme dans un spot publicitaire de la compagnie Orange avec Zinedine Zidane. Puis effectivement, bon, des trucs comme le film Juno. Ce qui est quand même assez amusant si on se dit que c'était quand même au départ un groupe anti-folk. Comme ça, c'était un mélange de comment on pourrait dire, un peu punk et folk américain dans un mouvement qui s'est appelé anti-folk, alors qu'il ne l'était pas tant que ça. Half Japanese nous faisait Ashes on the Ground sur un album qui s'appelle The Band That Would Be King. Moi, c'est drôle, j'ai connu Half Japanese il y a vraiment longtemps. Les frères... En fait, les frères Fair, Jad et David, avaient sorti un premier album qui était un album double. me semble, j'avais trouvé ça très drôle à l'époque parce qu'on les connaissait pas du tout. Puis tout d'un coup, ils arrivaient avec une grosse affaire avec plein de trucs dans la pochette et tout ça. Puis c'était juste drôle de voir arriver ce groupe-là qui était pas si excellent musicalement, mais qui compensait par beaucoup de volonté. Puis ils ont fini par faire une carrière quand même assez intéressante. Ils ont fini par jouer avec toutes sortes de monde, Fred Frith, John Zorn, puis Jad Fair a enregistré quelques fois avec celui qui débutait l'émission, Daniel Johnston. Puis il continue à tourner. Il y a Jad Fair qui est toujours là. David Fair a quitté depuis longtemps. Puis ils sont quand même actifs depuis 1975. Moi, j'ai dû les connaître vers 80 ou quelque chose du genre. Ça veut dire que on pensait que c'était tout à fait nouveau, alors qu'en fait, ça existait depuis un petit bout de temps. Smooth Death Danielson Family nous faisait Tell Another Joke at the Old Chapin Block de 97, la pièce Smooth Death. Eux, c'est un petit peu étrange, c'est toujours, c'est pas clair si ce sont vraiment des chrétiens fondamentalistes ou pas. Peut-être pas, mais peut-être que oui, c'est dur à dire. Ils font des références à la Bible régulièrement, et en fait, ils s'appellent pas, la famille s'appelle pas Danielson, mais c'est la famille Smith, où est-ce qu'il y a Daniel, Andrew, David, Ellen, Lenny, Lily, Ida, et d'autres personnes, dont les Slaboda et les Galloway aussi dans le groupe. Et ils se promènent un peu partout depuis 1994. Puis on en met quand même régulièrement, puis on n'a toujours pas réussi à éclaircir le mystère. Mais les gens qui fréquentent ne semblent pas être des fondamentalistes chrétiens. Bungwater nous faisait Bedazzled, une pièce de Dudley Moore sur The Power of Pussy de 90. Ça, c'est drôle parce que je m'étais jamais vraiment intéressé à l'histoire de Bungwater jusqu'à ce que, un moment donné, je me rends compte que ça faisait déjà 17 ans qu'il n'existait plus, alors que je pensais que c'était presque encore d'actualité, ce qui est un petit peu étrange. Peut-être parce que j'en entendais parler quand même relativement régulièrement. Anne Magnusson et Mark Kramer au départ, avec David Litch, Dave Rick, puis Randolph A. Hudson III, qu'on appelait Randy Hudson pour simplifier un peu. Puis ils ont joué avec Fred Frith, Peter Stampfel, Fred Schneider. C'est psychédélique. Oui, on peut dire ça, que c'est psychédélique. Il y a du collage, ils font font des covers, mais un peu étranges. Quelquefois, un petit peu de transformation. Beat Happening nous faisait Catwalk sur Jamboree de 88. Beat Happening, eux, c'était vraiment du lo-fi, certaines parties d'influence punk. Mais quand ils ont commencé, il y avait finalement des maracas puis une guitare Sears Silvertone. Ils ont commencé comme ça, puis ils ont ajouté de l'écho à la guitare pour que ça paraisse moins que le guitariste savait pas encore jouer. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui, à partir des années, début des années 80, par exemple, ont appris à jouer en même temps que leur carrière se développait, ce qui est quand même une assez bonne chose, de commencer à apprendre à jouer. Oui, il nous faisait Little Birdie sur l'album Pure Guava. Bon, inutile presque d'en parler encore, sauf pour vous dire que le groupe est composé de Mickey Melchiondo et Aaron Freeman. Et qui ont eu quand même un assez vif succès de toutes sortes de façons. Autant, quand même, presque un succès mondial. C'est un succès mondial, mais quand même, chez pas tant de gens que ça. Robert Sivimore nous faisait Not a Second Time sur l'album The North de 78, un des 400 albums de Robert Sivimore qui a composé et jouer de presque tous les instruments très régulièrement. Il a été influencé par son papa aussi, en partie, qui a joué avec Elvis Presley puis Patsy Cline comme contrebassiste. Puis on a écouté beaucoup de notre ami Robert Sivimore. On a terminé avec Vivian Stanshall and his Gargantuan Chums sur The History of Bonzos de 74, et la pièce s'appelait Suspicion. Alors Bonzo Do That, Doug Do That Band, C'était beaucoup notre ami. J'ai fini par l'effacer. Non, voilà, il revient ici. Vivian Stanshall, qui est décédé en 95, oui. Puis qui faisait une satire vraiment de la société anglaise. Et bien, il nous reste un petit bloc, alors on y va presque tout de suite. Once you love I know you will find when you go peace of mind, for then you'll be no more slave. You'll lie at rest in a cold, cold grave. You lie at rest in a cold, cold grave. You lie at rest in a cold, cold grief, and I've caused you shame. Oh, I'm to blame. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my own. There's a mountain up so high, where the tall trees touch the sky. The grass is green and the water's clear. Oh, it seems so near. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. I love you, babe, and I shouldn't go. Winter's coming and there'll be snow. Turn me loose just one more time. Oh, you're on my mind. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. I keep thinking just one more trail. There's paradise just over the hill. A rolling stone won't gather no moss. Oh, and you'll pay the cost. Searching, I'm always looking, searching for a place to call my home. Searching for a place to call my home. Looking for a place to call my home.

a suburb sometime. I'll seek out the things that must have been magic to your little girl mind. Now as a little girl, you must have been magic. I still get jealous of your old boyfriends in the suburbs sometimes. And when I walk down your street, probably be tears in my eyes. I knew it would happen. I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. But I'm in love with this power that shows through in your eyes. So, when you get out of the hospital, let me back into your life. I can't stand what you do, but I'm in love with your eyes. Oui, C'est comme ça que ça se termine, pratiquement, oui. C'est ça, avant qu'on ait l'agression par le son, qui semble prêt à venir faire vous livrer sa musique. Oui, je le vois. I'm So Depressed, c'était Abner J. Qui nous faisait cette pièce sortie d'une compilation qui s'appelle True Story of Abner J. Type intéressant, en fait, on se rend compte que c'est un multi-instrumentiste qui a commencé à jouer dans des shows de médecine. On appelait avec des charlatans qui vendaient toutes sortes de trucs. Il jouait de la guitare, du banjo, de l'harmonica, de batterie, et il s'accompagnait lui-même en faisant l'homme orchestre. Pendant un certain temps, il s'occupait du booking de Little Richard de James Brown. Il a été l'agent et le manager de Sister Rosetta Tharpe. Vous irez voir, il se trouve des vidéos de Sister Rosetta Tharpe avec sa guitare électrique. Oui, c'est assez impressionnant. Puis il a continué comme ça sa carrière pratiquement jusqu'en 93, si on peut dire. Oui, c'est ça. Il est décédé en novembre 93 à 72 ans. Lui qui avait connu une vie fort bien remplie. Ensuite, Waylon Chandler nous faisait Cold Cold Grave sur une compilation intéressante dont on a tiré plusieurs trucs pour différentes émissions. Hillbillies in Hell, volume 3, parce qu'il y a d'autres volumes. C'est une compilation sortie en 2017 et tout ce que j'ai trouvé sur Waylon Chandler, c'est possiblement une notice nécrologique qui dirait qu'il est mort en 2014. Non, il y avait, parce que dans les signataires, des gens qui ont signé le livre au Fédérarium, y en a un qui a dit merci pour tes chansons. Donc, c'est peut-être lui. Rube Gallagher nous faisait Searching sur une compilation The Beginning of the End, The Existential Psychodrama in Country Music de 56 à 72. Rube Gallagher, tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est qu'il a changé de nom quelques fois. Alors, il s'est appelé Robin Gallagher, James Gallagher, Jay Gallagher, Roy Gallagher, il aimait le nom Gallagher. Je pense, c'est ce qu'on peut dire. The Abigails nous faisait The Maze sur l'album Tundra de 2014. Ce sont des Californiens puis qui font des trucs qu'on aime et qu'on met quand même assez régulièrement. On aime la voix du chanteur, oui, sombre, un peu basse, comme ça, et on en met régulièrement des gens qui ont des voix basses et impressionnantes, comme ça, exactement pas comme la mienne. Nous sommes passés ensuite aux Modern Lovers qui nous faisaient Hospital sur The Modern Lovers de 1976. Ceux qui écoutent l'émission régulièrement savent que nous sommes des amateurs de Modern Lovers qui sont composés de toutes sortes de paires de membres, mais surtout de Jonathan Richman. Ils ont été actifs de 1970 à 1974 et ensuite de 1976 à 1988. Puis on en met régulièrement parce que c'est très bon. C'est très bon. Moi, j'ai découvert ça, je dirais, fin des années 80. Peut-être chez des amis qui écoutaient ça à chaque fois qu'on allait chez eux. En fait, c'était aussi simple que ça. On sortait, puis ensuite, on rentrait relativement tard. Puis c'est exactement le bon moment pour écouter The Modern Lovers. Ensuite, on a continué avec The Stooges, qui nous faisait Anne sur l'album The Stooges de 1969. Vous expliquez les changements de nom de The Stooges, ça peut devenir un peu laborieux, surtout quand on dit que les Stooges sont morts. Ben, en fait, ils sont appelés The Psychedelic Stooges, ensuite The Stooges. Après ça, ils sont appelés Iggy and the Stooges. Ensuite, c'est encore Iggy and the Stooges, mais l'album The Wilderness sort sur le nom de Stooges. Mais c'est ça. Alors, revenons peut-être aux Three Stooges. Alors, ils ont été vraiment la charnière qu'on dit entre le pop et le garage rock, ce qui est passablement vrai dans leur cas. Puis, il y a eu un documentaire que je suis allé voir sur Iggy Pop, que je suis allé voir l'hiver passé. au cinéma Le Clap. Ça doit se trouver un peu partout. Je me souviens pas du nom du documentaire, mais c'est un groupe qui a fait beaucoup, beaucoup d'émules. Et Iggy Pop continue toujours. Et c'est tout pour nous. C'est absolument tout pour nous. On revient la semaine prochaine. Oh,